Le lendemain, dès 5 heures, commençaient les préparatifs du départ. Joe, avec la hache qu'il avait heureusement retrouvée, brisa les défenses de l'éléphant. Le Victoria, rendu à la liberté, entraîna les voyageurs vers le nord-est avec une vitesse de 8000. Il franchit les rampes du Ruben May et rencontra plus tard, à Tenga, les premiers ressauts des chaînes de Karagua. La légende ancienne, qui faisait de ces montagnes le berceau du Nil, s'approchait de la vérité, puisqu'elle confine au lac Ukirouë, réservoir présumé des eaux du grand fleuve. De Kafuro, grand district des marchands du pays, on aperçut enfin à l'horizon ce lac tant cherché que le capitaine Speke entrevit le 3 août 1858. Samuel Ferguson se sentait ému. Il touchait presque à l'un des points principaux de son exploration. La réunion d'une cinquantaine de huttes circulaires recouvertes de chaumes en fleurs constituait la capitale du Karagua. Ce lac a été nommé Nyanza Victoria par le capitaine Speke. Le Victoria aborda le lac plus au nord. À 6 heures du soir, il s'établit dans une petite île déserte. Les voyageurs purent s'accrocher à un arbre. Mais on ne pouvait songer à prendre terre. Ici, comme sur les bords du Nyanza, des légions de moustiques couvraient le sol d'un nuage épais. Demain, si le vent est favorable, nous marcherons droit au nord et nous découvrirons peut-être les sources du Nil. Ce secret demeurait impénétrable.